إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer le cours numéro 3 aujourd'hui dans l'explication de cette risala du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, expliqué par le Cheikh Mohammed Bazmoul, qui est un docteur à la Jami'a Umm al-Qura à Mecca. Et donc c'est une risala au sujet de Tawhid al-Ibadah, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a écrit cette petite risala, est très bénéfique. Il y a des points très importants et très intéressants dedans. Et donc, vous allez voir, inshallah, ce que le Cheikh explique maintenant. Cheikh Basmoul dit: Wa qawl al-muhallif, wa qawl al-musallif, al-musannif, rahimahullah. Fala tad'u illa Allah. Fala tad'u illa Allah. Wahdahu la sharika lah. La tad'u al-nabi. Sallallahu alayhi wa sallam wa la ghayrah. C'est-à-dire que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit: n'invoque personne excepté Allah subhanahu wa ta'ala. N'invoque personne excepté Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, sans partenaire. La sharika lah, sans aucun partenaire. Et n'invoque pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, tu ne fais pas des du'as pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pour demander à quiconque en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu fais un dua, si tu veux demander quelque chose, tu ne demandes que à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne demandes pas à un wali ou au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à un wali ou à un ange ou à un djinn ou à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne demandes que à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh Bazmoul, Hafizahullah, il explique cette parole de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit: La tad'u illa Allah wahdahu la sharika lah. Hada haqiqatu at-tawhid. Wa at-tansisu ala du'a'i an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi qawli al-musannif yarhamuhullah. La tad'u an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li anna hadha al-ghalib alladhi hasala fi jama'atin min an-nas أنهم يغلون في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم غلوا يصل بهم إلى حد الشرك به صلى الله عليه وسلم. Donc le Cheikh Bazmoul, il explique que le Cheikh, il dit d'invoquer personne excepté Allah subhanahu wa ta'ala, de l'invoquer lui seul, sans partenaire, c'est la réalité du tawhid. Ça, c'est la réalité du tawhid. Et le fait que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab mentionne textuellement la question de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: et n'invoque pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que la majorité des gens qui sont tombés dans différentes formes de shirk, ils ont exagéré justement dans leur amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de tomber justement dans différentes formes de shirk avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple de l'invoquer, d'appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'invoquer, de lui demander le secours ou lui demander autre chose parmi les choses de la dunya, comme beaucoup de gens parmi les ignorants et parmi les soufiïnes, parfois, qui invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa tombe et qui lui demandent l'intercession ou qui lui demandent l'aide ou le support ou la guérison ou d'autres choses de ce genre. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est une des pires formes de shirk qui peuvent être faites, yani. Et c'est l'imitation des chrétiens, hein, qui invoquent Isa ibn Maryam, hein, et qui prient à Jésus et à Marie et aux saints également et aux anges. Donc ça, c'est tout ça, c'est du shirk, parce que c'est d'offrir une forme d'adoration à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shaykh, il dit fait tanser soulais salil hasr wa innama hikayatul lil waqi' wa kharaja makhraj al ghalib. Donc le cheikh il dit que le fait de mentionner, le fait de ne pas invoquer le professeur sallam, ça ne veut pas dire que c'est pour limiter l'interdiction yani au fait d'invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam seulement. C'est-à-dire que c'est juste pour mentionner qu'est-ce qui est fait le plus souvent de la part de certains qui tombent dans des exagérations ou dans des formes de shirk. Toutefois, si quelqu'un invoque d'autres personnes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme si quelqu'un invoque autre que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et tout ce qui est invoqué en dehors d'Allah, ça rend dans qu'est-ce qui est considéré comme étant shirk akbar mukhrij min al-milla. C'est-à-dire quelqu'un qui invoque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou un wali ou un sayyid ou une tombe ou un ange ou un djinn ou un arbre ou peu importe quelle autre créature, hein, eh bien il tombe dans une forme de shirk majeur qui le fait sortir de la religion de l'islam. Donc en invoquant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en adorant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devient un mushrik et il quitte l'islam. Malgré que ce qu'il fait, il pense qu'en le faisant, il fait quelque chose de bien. Il pense qu'il s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est en train de faire quelque chose qui est une expression de son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ça, c'est quand même quelque chose qui le fait sortir de l'islam. Le shaykh il dit « Wa du'a al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam ala suwar wa hiya taliya al-oula an yatawajjah bid-du'a ila al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam ka du'a illah subhanahu wa ta'ala fayaqul ya rasulallah ighfir li ya rasulallah irhamni ya rasulallah i'mal li kaza if'al li kaza hadha shirkun akbar mukhrijun min al-millah إذ إنك سألت الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا النوع شرك أكبر مخرج من الملة لأنك صرفت الدعاء لغير الله فهذا شرك في العبادة. Donc le cheikh il dit que le fait d'invoquer le prophète صلى الله عليه وسلم, ça peut prendre différentes formes et ça peut prendre différentes manifestations. Et parmi les exemples, il y a la première qui est mentionnée, c'est le fait de diriger au prophète sallallahu alayhi wa sallam une demande ou une invocation, comme on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala quand on fait un dua, quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces gens-là, au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, ils demandent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, c'est shirk. Ils disent, ô messager d'Allah, pardonne-moi. Ô messager d'Allah, fais-moi miséricorde. Ô messager d'Allah, fais telle chose pour moi. Fais telle ou telle chose pour moi. Donc tout ça, c'est des formes de shirk, des formes d'association et d'idolâtrie qui fait que quelqu'un sort de la religion de l'islam et devient un mécréant, devient un kafir et un mushrik. Il n'est plus musulman après avoir commis cet acte. Hein? Parce qu'il a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, quelque chose que seul Allah est capable de faire, quelque chose que seul Allah est capable de donner, comme le pardon et la miséricorde et ainsi de suite. Donc cette forme de shirk, c'est une forme de shirk majeur qui fait sortir quelqu'un de l'islam. Parce que cet individu-là, elle a voué à autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, ou elle a offert à autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala un dua. Et donc ça, c'est une forme de shirk dans l'adoration. Il a offert une adoration à autre que à Allah. Et on sait que le dua, c'est une adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ad-du'a huwa al-ibada. » Le dua, c'est l'adoration. C'est ça l'adoration. Donc ça veut dire que Mais il y a une autre narration même de ce hadith-là qui n'est pas authentique, mais qui dit « Ad-du'a mukhul ibadah », c'est-à-dire l'invocation, c'est le centre, hein, c'est le noyau de l'adoration. Elle n'est pas authentique, mais toutefois, ça donne quand même un sens qui est correct par rapport à l'importance de cette adoration-là par rapport aux autres. Donc de l'offrir à autre qu'à Allah, c'est quelque chose qui fait sortir de la foi, qui fait sortir de l'islam, qui fait que quelqu'un devient mushrik. الثانيه ان تسال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس شركا مخرجا من المله ولكنه حرام وبدعه لا يجوز وهو خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي هو رد على صاحبه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. Le cheikh, il dit qu'il y a une deuxième catégorie ou deuxième forme qui se manifeste du fait de, par exemple, demander à Allah subhanahu wa ta'ala, mais par le statut ou par le degré ou par l'importance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, par le statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par sa position. Donc tu demandes pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala par le prophète ou bien par son statut. Oui, par sa position. Le cheikh dit ça, ce n'est pas une forme de shirk qui fait sortir de l'islam. Toutefois, c'est quelque chose qui est haram. Et c'est une bid'a. Et les ulama, ils disent que ça, c'est même une forme de shirk mineur qui peut faire que quelqu'un tombe dans le shirk majeur par la suite si, hein, il persiste. Donc, il n'est pas permis à quelqu'un de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par une de ses créatures. Ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par une autre d'entre les créatures. Et c'est une forme de bid'a, et donc dans ce sens-là, il n'est pas permis de le faire, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par le statut de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est contraire à la sunna de faire ça, et la personne qui le fait, eh bien ce qu'elle fait sera refusé et rejeté d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, cette action-là sera rejetée. Hein, comme c'est rapporté selon Aïcha radiyallahu anha. Donc ça c'est le deuxième exemple, et ça on retrouve souvent cet exemple-là, comme on l'a dit, chez différents soufis. Parmi les soufis, ils font souvent cette forme de bid'a qu'ils appellent le tawassul. Hein. Et ça on va y revenir de toute façon, et on va voir que cette forme de tawassul-là, elle est interdite en islam, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par le statut de son prophète ou par le degré de son prophète, des choses de ce genre, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est pas shirk, ça fait pas sortir quelqu'un de l'islam, mais c'est quand même une bid'a et c'est haram de le faire. D'accord? La troisième catégorie, le cheikh il dit al-thalitha an tas'alullah bi du'a ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi hayatihi kama sana'a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu an an-nabi an Anas ibn Malik أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس ابن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقينا قالوا فيسقون قال فيسقون فكانوا يستسقون بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ثم استسقوا بدعاء العباس في حياته. Donc le cheikh explique qu'un troisième exemple ou troisième forme, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie, c'est-à-dire durant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant. Hein? Comme par exemple c'était l'habitude des sahaba de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie de faire des invocations pour eux, de demander la pluie, hein? De demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah pour qu'il fasse tomber la pluie, c'est ce qu'on appelle al-istisqa. Donc ils avaient l'habitude à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander au messager d'Allah d'invoquer Allah pour eux pour que Allah subhanahu wa ta'ala fasse tomber la pluie. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, les sahaba avaient l'habitude de demander à quelqu'un d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour que, également, pour faire tomber la pluie ou d'autres choses de ce genre. Donc, c'est rapporté selon Anas ibn Malik, que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit que lorsqu'il y avait des sécheresses et qu'il n'y avait plus d'eau, il faisait al-istisqa, il faisait la demande de la pluie par l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Ils allaient voir al-Abbas et ils demandaient à Abbas de faire un dua pour eux. Et Omar ibn al-Khattab, il disait, « Oh Allah, auparavant, nous faisions la demande de la pluie par ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire par l'invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Le terme qui est employé dans la parole, c'est « Inna kunna natawassalu ». Et « tawassul », ça vient du mot « wasila », qui signifie un moyen, donc de prendre un moyen. Et ici, le moyen qui est utilisé, c'est de demander l'invocation, c'est-à-dire de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer. Donc il dit, oh Allah, auparavant, nous prenions comme moyen pour demander la pluie, l'invocation de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu nous donnais la pluie, ou tu nous faisais tomber de la pluie. Et aujourd'hui, nous prenons le moyen en te demandant, nous prenons le moyen de l'invocation de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'oncle de notre prophète, c'est Al-Abbas, pour que tu nous fasses tomber la pluie. Et donc, il disait, Qum ya Abbas, lève-toi au Abbas et invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se levait et il faisait l'invocation, il demandait à Allah et Allah faisait tomber la pluie. Donc le cheikh Bazmoul, il dit, donc il demandait la pluie par l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie, mais une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il demandait à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le dua et de demander la pluie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est une preuve qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut plus lui demander quoi que ce soit. Après sa mort, on ne peut plus lui demander quoi que ce soit, et on doit se limiter à demander à Allah seul. On ne peut pas demander dans le sens que dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe, « Ô prophète, ô messager d'Allah, fais tomber la pluie. » Si c'était permis, les sahaba auraient fait ça. Ils ne seraient pas allés voir l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils seraient allés voir la tombe. Ils auraient dit à la tombe ou au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils sont allés voir l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont demandé à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le dua pour eux. Et donc c'est ça le tawassul qui est permis en islam, de demander à quelqu'un qui est pieux ou à quelqu'un qu'on considère comme étant pieux ou qu'on pense être une personne pieuse pour qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, et non pas de demander à quelqu'un qui est mort, parce que de demander à quelqu'un qui est mort, bien entendu, c'est une forme de shirk majeur. Et le cheikh, il explique, il dit, Izan du'a al-rasul sallallahu alayhi wa sallam ala thalathati anwa. الأولى نوع شركي وهو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته فيتوجه بالدعاء إليه صلى الله عليه وسلم ولا يتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. Donc on peut dire que les formes d'invocation par rapport au prophète صلى الله عليه وسلم sont de trois catégories. La première catégorie, c'est celle qui est une forme de shirk, en fait. C'est celle qui est shirk. Et c'est le fait d'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam une invocation, de lui demander directement. Et c'est-à-dire qu'on adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on se tourne vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander des choses. hein, au lieu de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une forme de shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Si quelqu'un fait ça, il quitte l'islam. Hein? Quand quelqu'un il a un mal, il dit « Ya Rasulallah !» Ça, c'est shirk. Hein? Tu ne demandes pas au messager d'Allah, tu demandes à Allah. Hein? Et le shaykh, il dit ensuite comme deuxième point « An-naw'u thani » Dua al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala en purifiant pour lui votre religion. Donc tu ne dois pas invoquer d'autre avec Allah, sinon c'est shirk. Wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Les mosquées sont pour Allah, les lieux d'adoration sont pour Allah seul, alors n'invoquez pas d'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc an-naw' ath-thani du'a'un bir-rasul sallallahu alayhi wa sallam بدعي بأن يسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بحق النبي فهذا بدعي حرام فهذا بدعي حرام. Donc le cheikh il dit que la deuxième catégorie c'est la forme de dua qui vis-à-vis du prophète صلى الله عليه وسلم qui relie au prophète صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire tu invoques Allah par son prophète ou par son statut, ou par son droit, soi-disant. Certains, ils invoquent par le droit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, certains par le statut, ou d'autres choses de ce genre. Ça, c'est une forme de bid'ah, c'est haram. Hein? Et certains, parmi les soufis, parfois, ils se réfèrent à certaines narrations, différentes versions de certains hadiths, qui sont faibles, hein? Ou même fabriqués parfois, et ils essaient de justifier ou de défendre cette forme de dua ou cette forme de tawassul par des hadiths qui sont da'if ou maudour même parfois. Ou bien, ils prennent des hadiths, mais ils les comprennent incorrectement, ils les déforment dans leur interprétation, dans leur signification, pour faire croire que cette forme de tawassul serait permis. Bien entendu, quand on retourne à la signification de ces hadiths-là, hein, on voit que ça n'a rien à voir avec cette forme de bid'a ou cette forme de tawassul qui est bid'a. Hein. Et la troisième catégorie, an-naw'u thalith, du'a Allah subhanahu wa ta'ala bidu'a al-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa huwa hayyun fahada ja'izun fi hayatihi amma ba'da mamatihi fa innahu ghayru mumkin wa huwa ghayru ja'izin shar'an. Donc le cheikh il dit la troisième catégorie c'est le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est vivant, c'est-à-dire de demander à Allah par le dua de son messager, c'est-à-dire tu demandes au messager d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour toi alors qu'il est vivant. Ça c'est permis s'il est vivant, c'est-à-dire les sahaba ils pouvaient faire ce genre de choses à son époque sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas possible de le faire, ce n'est pas possible de le faire et ce n'est pas permis selon la charia également de le faire. Et le cheikh il rajoute ensuite pour clarifier, il dit فَإِنْ سَأَلَ الرَّسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَقَلَ إِلَى النَّوْعِ الْأَوَّلَ الَّذِي هُوَ سُؤَالُ اللَّهِ بِذَاتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc ça veut dire que si quelqu'un invoque, demande au prophète صلى الله عليه وسلم après sa mort, eh bien ça devient ou ça s'est transféré à la première catégorie qu'on a mentionnée qui est la forme de shirk. Hein, celui qui après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah pour lui ou pour elle alors qu'il est mort sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas là ça devient une forme de shirk akbar qui fait sortir de l'islam. Donc si quelqu'un par exemple il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, invoque Allah pour moi alors qu'il est dans sa tombe, ça c'est une forme de shirk majeur qui fait sortir de l'islam. De même que si quelqu'un demande à un wali ou à un saint ce genre de choses, c'est la même chose. Hein? Ou bien d'invoquer un ange ou un djinn, hein? Ça c'est tout ça, ce sont des différentes formes de shirk. Ensuite, le cheikh dit يبقى نوع رابع وهو من باب التوسل المشروع أن تسأل الله بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقررون أن التوسل المشروع ثلاثة أنواع. أولا أن نتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. ثانيا أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح كقصة أصحاب الغار. والثالث ثالثا أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين الأحياء. هذه ثلاثة أنواع من التوسل المشروع. Donc le cheikh il dit, il reste une quatrième catégorie qui rentre dans les catégories de tawassul qui sont légiférées en islam et qui sont permises, c'est-à-dire de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par notre amour pour son prophète. Et ça, c'est quelque chose qui est permis et qui fait partie des formes de tawassul qui sont légiférées en islam. Puisque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala par une action que tu as fait toi-même, c'est-à-dire le fait que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, on va le voir parce qu'il y a différentes catégories, mais de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par une bonne action qu'on a fait nous-mêmes, ça c'est permis. Hein? Mais de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par la piété d'un autre individu ou par le statut d'un autre individu, ça c'est pas permis. Puisque rien qui peut t'aider, y a rien qui peut t'aider excepté que ce que tu as fait toi-même auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les actions de quelqu'un d'autre, la piété de quelqu'un d'autre, ça sert à cette personne. Ça va servir à la personne qui est pieuse. Ça va la servir à elle au jour de la résurrection. Si elle est morte, il n'y a rien de ces actions qui peut t'aider. Sauf si la personne est vivante, elle peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Mais si elle est morte, qu'est-ce qu'elle peut faire pour toi? Et sa piété, c'est à elle. Donc si tu veux rentrer dans la miséricorde d'Allah, tu dois faire les actes qui vont faire en sorte que tu vas mériter la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par la piété des autres qui va t'aider. Mais c'est d'être toi-même pieux et d'essayer d'être pieux en faisant des bonnes œuvres. Donc, le cheikh, il dit, les ulama, ils confirment que le tawassul qui est légiféré en islam, il est de trois catégories. La première catégorie, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs. Donc, quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'invoques et tu lui demandes par ses noms et par ses attributs. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن ترزقني بمال حلال أو أن تدخلني الجنة وتقيني من النار إلى آخره. Ça c'est des exemples de tawassul que tu fais, que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs. Ça c'est quelque chose qui est légiféré et qui est permis, et on le retrouve dans plein d'exemples dans les du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Toi le vivant, toi le celui qui se suffit à lui-même, al qayyum. Je cherche le secours en ta miséricorde. Bi rahmatika astaghith. Donc ça c'est des exemples de tawassul qui sont permises. Et la deuxième catégorie qui est mentionnée, c'est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par une bonne action qu'on a faite. Et le cheikh, il mentionne l'exemple des gens de la caverne, c'est-à-dire les gens qui ont été enfermés dans une grotte, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans une grotte, trois personnes, ils sont rentrés dans une grotte et un rocher est venu tomber devant l'entrée de cette grotte. Donc ils sont restés enfermés. Et chacun d'entre eux a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en mentionnant et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala par une action qu'il avait faite. Et par la suite, à chaque fois que l'un d'entre eux a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, le rocher s'est déplacé jusqu'à ce que le troisième invoque Allah subhanahu wa ta'ala par l'action qu'il avait faite, et finalement ils ont été libérés, ils ont pu sortir de cette grotte. Et donc chacun avait mentionné une différente bonne action que chacun d'entre eux avait fait. Il y en a un d'entre eux, c'était Yanni, si je me souviens, c'était parce que il avait été honnête par rapport à un ami qui lui avait laissé un nombre de chameaux, de moutons, et pendant son absence, il les a fait multiplier, puis quand il est revenu, il lui a dit, tout ça c'est à toi. Et parce que lui, la personne est revenue, elle voulait prendre seulement qu'est-ce qui lui appartenait, qu'est-ce qu'il a donné à cette personne pour garder pour lui. Mais il lui a tout donné, ce qui avait été multiplié, même pendant son absence, il a dit, tout ça c'est à toi. Et il a mentionné ça comme bonne action. Le deuxième, il a mentionné le fait qu'il avait une cousine à lui qu'il l'aimait plus que tout au monde, et yani, il souhaitait pouvoir s'approcher d'elle dans le haram. Et juste au moment justement où il demandait à cette femme, chaque fois elle refusait. Hein? Et un jour, elle a été dans une difficulté, elle n'avait pas d'argent ou elle avait besoin de quelque chose, elle avait besoin d'argent. Puis, elle a accepté de céder à sa demande. Et juste au moment où il allait pour commettre le péché avec elle, eh bien, elle lui a dit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et il s'est retiré et il est parti. Et il lui a laissé l'argent qu'il avait donné pour elle, qu'il avait amené pour elle, et il a dit, malgré que il avait aimé cette femme et tout, il a dit, je l'ai laissée pour toi et par crainte de toi. Et donc ça, c'est une action qu'il avait fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'abandonner et de laisser tomber le péché par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cause de ça, le rocher s'est retiré de l'entrée du s'est retiré un peu encore de l'entrée de la grotte ou de la caverne. Puis la troisième personne, elle a mentionné que elle avait des parents, ses parents qui étaient âgés et qui étaient endormis. Puis il y avait les enfants qui pleuraient, qui voulaient manger, mais elle refusait de donner à manger à ses enfants tant que ses parents n'avaient pas mangé. Donc il attendait jusqu'à ce que ses parents se réveillent pour nourrir ses parents par bon comportement envers ses parents. Et donc à cause de ça, donc par la suite, le rocher s'est complètement enlevé de l'entrée de la grotte, puis ils sont sortis. Et ça, c'est donc l'exemple de faire le tawassul par une bonne action qu'on a fait. Et quand on a lu tout à l'heure le quatrième exemple que le cheikh a mentionné, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça rentre dans cette catégorie là de bonne action. D'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une ibada, hein, ça fait partie de la foi, hein, d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de l'aimer, on l'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait partie de la foi. Et donc de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est quelque chose qui est permis. Mais de demander par son droit ou par son statut, ça c'est pas permis, hein. Et le troisième exemple que le cheikh mentionne, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par le dua des hommes pieux, par l'invocation des hommes pieux, c'est-à-dire que tu connais quelqu'un que tu considères comme étant pieux et tu lui demandes d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Et ça, c'est une forme de tawassul qui est permis, et c'est cette forme de tawassul qui est sunna, hein, qui fait partie de ces trois formes de tawassul qui sont en accord avec la sunna. Toutefois, qu'est-ce que les gens de Bid'a font, et les soufiyins, qu'est-ce qu'ils font? C'est le tawassul qui est shirki ou bien qui est bid'aï. Ils mélangent la signification du terme tawassul pour inclure dedans ce qui est shirk ou ce qui est bid'a. C'est-à-dire soit de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est mort, ou de demander à une tombe ou à un saint, après un, alors que yani, ça c'est shirk, akbar, ou bien ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala par une créature et par le statut d'une créature, et ça c'est, comme on l'a dit, bid'ah, Hein? Donc ça, c'est très important de bien comprendre ces différentes catégories-là et de savoir qu'est-ce qui est permis dans ces catégories-là et qu'est-ce qui est interdit. Ensuite, il faut comprendre un point juste en passant, c'est que souvent c'est ce que les gens de Bid'a font pour essayer de justifier ou de rendre permis quelque chose qu'ils font, et ils utilisent, ils l'appellent par un autre nom. Donc au lieu d'appeler les choses par leur nom réellement, ils leur donnent un autre nom pour essayer de le faire rendre acceptable. Comme par exemple d'utiliser le terme tawassul pour désigner le fait d'invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement après sa mort, ou bien d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par son statut, ils appellent ça tawassul, alors qu'en réalité ce n'est pas ça le tawassul. Et donc c'est important de comprendre la différence entre qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui est pas correct, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux par rapport à ce sujet-là. فإذا توسلت في دعائك بمحبتك للرسول صلى الله عليه وسلم وباتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا التوسل مشروع وهو توسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح كقصة أصحاب الغار ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من أحسن العمل الصالح إذا كانت محبة شرعية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والمحبة الشرعية محبته صلى الله عليه وسلم باتباعه ومن ذلك ألا تغلو فيه غلو اليهود والنصارى فإنما هو عبد الله ورسوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الفرق بيني وبينكم أنه يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc le cheikh il explique que, comme on l'a dit, le tawassul qui est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple par notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par le fait que tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une forme de tawassul qui est légiférée et qui est permise en islam. Et c'est une forme de tawassul par les bonnes œuvres, comme on l'a mentionné pour l'exemple des hommes qui étaient pris dans la caverne. Et le fait d'aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une des meilleures actions que quelqu'un peut faire, si cet amour est un amour qui est légiféré, qui est en accord avec la révélation. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surat Al-Imran, le verset 31, dit « Ô Muhammad, si réellement vous aimez Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. » Donc, l'amour qui est en accord avec la charia, c'est le fait de l'aimer, sallallahu alayhi wa sallam, en suivant son exemple. En suivant son exemple. Et non pas de la manière dont le font ceux qui ont exagéré dans son amour et qui ont suivi l'exemple de l'exagération des juifs et des chrétiens. Il faut donc savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un esclave et un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et un messager. Hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne, dit au Muhammad à ses hommes que je ne suis qu'un être humain. Dit, je ne suis qu'un être humain comme vous, hein, qui a reçu une révélation. C'est-à-dire la différence qui existe entre moi et vous, c'est que moi j'ai reçu une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas autre chose qu'un être humain et un messager. Mais il ne faut pas penser qu'il mérite à cause de ça une part de la divinité ou bien une forme quelconque d'adoration. Yuha ilayya, on m'a révélé que votre Dieu, hein, que vous ne devez adorer qu'une divinité unique. Vous devez adorer Allah seul. Alors quiconque espère en la rencontre de son Seigneur, alors qu'il fasse les bonnes œuvres et qu'il n'associe rien dans son adoration pour son Seigneur. Qui n'associe personne avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Wa qawlu al-musannif rahimahullah la ghayrahu ay mimman yu'azzimuhu an-nas wa yushrikuna billahi سبحانه وتعالى به من سائر الخلق خاصة ما يجعل من أضرحة ومشاهد وقبور وأولياء ونحو ذلك فإن هذا كله صرف العبادة لغير الله. Donc le cheikh il dit que lorsque le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit voilà ghayru, c'est-à-dire n'invoque pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'invoque pas d'autre que lui, n'invoque pas d'autre en dehors de lui également, c'est-à-dire parmi ceux que les gens vénèrent et qu'ils associent à Allah subhanahu wa ta'ala parmi les autres créatures. Et déjà si on comprend qu'on n'a pas le droit d'associer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec Allah, et donc ça implique qu'on ne peut pas associer n'importe quelle autre créature autre que le messager sallallahu alayhi wa sallam encore plus, puisque la meilleure des créatures c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on ne peut pas l'invoquer lui, toute autre personne, peu importe son niveau de piété, peu importe son niveau de science, eh bien il est en dessous du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on ne peut pas invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut encore moins invoquer un autre que lui. Et ça c'est la réponse donc à ceux qui, parmi les gens de bid'ah et les mushrikines, qui adorent les saints et qui adorent les tombes, c'est une réponse et une réfutation à ce qu'ils font, yani, comme shirk, en invoquant les tombées, en adorant ces tombées, en leur offrant des formes d'adoration. Donc le cheikh il dit en particulier ce qui se fait yani, et ceux sur les tombes de qui on a bâti des mausolées, qu'on a fait des tombeaux sur leurs tombes ou des dômes, et qu'on a pris comme des saints ou des hommes pieux, on a construit des dômes sur leurs tombes, des choses de ce genre. Tout ça, bien entendu, c'est le fait, ça rentre dans le fait de faire le shirk et d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala si on leur offre des doigts, si on leur demande des choses. Et yani, déjà le fait de construire sur les tombes en partant, c'est haram. Et c'est une chose qui amène au shirk. Les ulama ont catégorisé ça parmi les choses qui amènent au shirk, qui sont des causes ou des moyens vers le shirk. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas uniquement interdit le shirk et de faire ce qui est shirk en soi, mais il a interdit également toutes les choses qui peuvent amener au shirk. Il a fermé la porte à tout ce qui pouvait amener les gens à tomber dans le shirk. Donc, comme par exemple Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos de zina dans le Coran, il dit wala taqrabu zina, ne vous approchez pas du zina. Il n'a pas dit ne faites pas le zina, il a dit ne vous approchez pas du zina. Et les ulama ont expliqué que ça implique de ne pas entrer dans tout ce qui peut être un moyen ou une cause dans le fait qu'on tombe dans le zina, peu importe qu'est-ce que ça peut être comme moyen. Donc ça veut dire que c'est pas le zina seulement qui interdit, mais tout ce qui peut amener au zina aussi, en partant du regard, de la parole, ainsi de suite. Et donc si c'est le cas pour le zina, c'est encore pire pour le shirk, puisque le shirk c'est le plus grand des péchés. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne en dehors de ça tout autre péché à qui il veut. Donc, si Allah a interdit tout ce qui mène au zina, parce qu'il veut empêcher les gens de tomber dans le zina, eh bien c'est encore plus important de stopper et d'interdire ce qui peut amener au shirk, parmi les différentes causes ou les différents moyens. Et parmi ces choses-là, il y a justement le fait de bâtir des dômes ou des monuments ou des tombeaux ou des sanctuaires, ou peu importe, il y en a sur les tombes des hommes pieux. Puisque ça amène les gens à croire que ces individus-là ont un statut différent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou quelque chose de ce genre, et ça amène les gens faibles à se tourner vers ces tombes-là pour leur demander en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça ce qui se passe dans les pays musulmans aujourd'hui. dans tous les pays musulmans, on retrouve des tombes qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont prises comme des idoles et que les gens vont visiter et auxquelles ils vont faire des pèlerinages et auxquelles ils vont sacrifier des animaux et autour desquels ils font le tawaf et autour desquels il y a toutes sortes d'autres activités de shirk et de péché et de bid'a qui sont pratiquées. Et ça se produit chaque année, annuellement, et même parfois mensuellement dans certains pays. Et peu de gens dénoncent ou condamnent ce genre de choses. Et donc ça, c'est pour montrer l'importance de rappeler aux gens le tawhid et sa signification, et d'avertir et de mettre en garde contre le shirk. Ensuite, le cheikh il dit « وَمِنْهَا الطَّوَافُ بِالْقُبُورِ كَالطَّوَافُ بِالْكَعْبَةِ وَاعْتِقَادْ أَنَّ هَذَا عِبَادَةٌ وَقُرْبَةٌ وَسُؤَالُ الْمَيِّتِ صَاحِبُ الْقَبْرِ وَالذَّبْحُ لِلْقَبْرِ شِرْكٌ وَأَقْصُدُ بِالشِّرْكِ الشِّرْكَ الْأَكْبَرِ الْمُخْرِجِ مِنَ الْمِلَّةِ » Donc il dit, parmi les formes d'adoration qui sont offertes à ces tombes et à ces saints, c'est qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Et le cheikh, il les mentionne également, il mentionne le fait de faire le tawaf autour des tombes, comme on fait le tawaf autour de la Kaaba. Donc ils imitent ce que les hujjaj font quand ils vont faire le hajj à Mecca. Ils tournent autour de la Kaaba, et ça c'est une ibada. Hein? Et eux, ils font la même chose, mais autour des tombeaux. Et ils pensent que c'est correct de faire ça. Et parfois même, dans certains pays, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font croire aux gens, ou ils disent aux gens que ceux qui n'ont pas les moyens d'aller faire le hajj à Mecca, ben pour eux, ils peuvent aller faire le petit hajj chez les awliya en allant visiter les tombes. Et que ça fait comme une sorte de petit hajj pour eux s'ils ne peuvent pas aller à Mecca. Et bien entendu, il n'y a pas de comparaison entre les deux, puisque de faire un tawaf autour d'une tombe, c'est shirk. Hein? Donc ça, c'est un exemple. Et ensuite, il mentionne le fait qu'il demande parfois aux morts lui-même directement des choses. Ils vont lui demander la guérison, ils vont lui demander un enfant parfois, parce qu'il y a des femmes qui ont de la difficulté à enfanter ou bien à tomber enceinte. Donc elles demandent au wali qu'il l'aide à être par exemple enceinte ou des choses comme ça, ou bien ils vont demander d'autres choses dans ce genre. Donc tout ça, ça fait partie du shirk, de demander à c'est mort des choses. Et c'est limitation des mouchriquins, c'est limitation des bouddhistes, des hindous et des chrétiens et des juifs qui invoquent d'autres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le fait de sacrifier des animaux pour ces tombes, ils amènent des différents animaux, des vaches ou des moutons, et puis ils les égorgent pour ces tombes. Ou bien parfois même pour les djinns, pour les djinns aussi. Et il y a toutes sortes de formes de shirk comme ça qui sont pratiquées, Allah musta'an. Et donc tout ça, ça fait partie du shirk, et c'est la forme de shirk qui est majeure et qui fait sortir de l'islam. Ensuite, le shirk, il mentionne donc d'autres paroles maintenant du shirk, la suite des paroles du shirk Mohammed ibn Abdul Wahhab à ce sujet-là. Wa qawlul musannif yarhamuhullah كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne deux versets dans le Coran. Le premier, c'est le verset 18 dans Surat al-Jin, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que les mosquées ou les lieux d'adoration sont à Allah seul, et donc n'invoquez personne dans ces lieux-là, n'invoquez personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne un autre verset qui est le verset 110, le dernier verset dans Surat al-Kahf. On l'a récité plusieurs fois depuis le début du livre. C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Dis, ô Muhammad, que je ne suis qu'un être humain comme vous, à qui on a révélé que il n'y a qu'une seule divinité, une seule divinité unique qu'on doit adorer. Celui qui espère donc en la rencontre de son Seigneur qu'il fasse une bonne action et qu'il n'associe rien avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et le Cheikh Bazmoul, hafizahullah, il explique maintenant ces versets-là et il clarifie les paroles du Cheikh à ce sujet. Il dit قول المصنف رحمه الله كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا هذا محل الشاهد لما تقدم من قوله فلا تدعوا إلى الله وحده لا شريك له لا تدعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره دليل ذلك هذه الآية ومحل الشاهد فيها قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وذكر الدعاء وذكر الدعاء لأن الدعاء هو العبادة كما جاء عن النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. Donc le cheikh il dit que l'auteur donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit donc que les mosquées appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, alors n'invoquez rien d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans ces lieux et il dit que c'est ça la preuve en fait, c'est ça la preuve de tout ce qu'on a mentionné juste avant, quand on dit qu'on ne doit pas invoquer personne d'autre que Allah lui seul et qu'il n'a pas de partenaire et que on ne doit pas invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou quiconque autre. Et ça c'est la preuve dans ce verset. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. N'invoquez personne d'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a mentionné ici le dua, parce que le dua c'est l'adoration. On peut dire que l'adoration c'est le dua. Tellement c'est important. Et c'est rapporté selon Al-Nu'man ibn Bashir, comme j'avais mentionné tout à l'heure, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Al-Dua huwa al-ibadah. Dua, c'est l'adoration. Et il a mentionné par la suite, où il a récité le verset dans Surat Ghafir, le verset 60, et votre Seigneur dit invoquez-moi et je vais vous exaucer. Et ceux qui s'enflent d'orgueil par rapport à mon adoration, ou vis-à-vis de mon adoration, ils entreront en enfer humiliés. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam adakhirin. Donc, le cheikh il rapporte que c'est un hadith rapporté par Ahmad et Abu Daoud et At-Tirmidhi, et il est déclaré sahih par le cheikh Al-Albani. Ensuite, il dit, إذ في الدعاء غاية المحبة والخوف والخضوع والتذلل والانقياد والإقبال بالطاعة لله وتتحقق فيه جميع أنواع الطاعات القولية والعلمية والعملية والاعتقادية فالدعاء من جهة أنه تمجيد وثناء وطلب ومسألة فهذا قول والدعاء من جهة أنه هيئة ومحل وهذا عمل والدعاء من جهة أنه قصد وتوجه واعتقاد فهذا اعتقاد والدعاء هو العبادة إذ فيه جميع أنواع العبادة القولية والفعلية والاعتقادية. Donc le cheikh il explique que la raison pour laquelle le dua c'est l'adoration, ou pourquoi le professeur Sam a dit le dua c'est l'adoration, c'est parce que dans le dua il y a des différentes formes d'adoration qui sont incluses en même temps lorsque tu le fais. Lorsque tu fais le dua, eh bien ça comprend plusieurs sortes d'adoration ensemble en même temps. Comme par exemple, le cheikh explique que c'est le plus haut point de l'amour qui est manifesté dans l'invocation, de même que la crainte, de même que l'humilité, de même que la soumission, de même que le fait de se tourner dans l'obéissance vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on voit que dans cette adoration-là, dans le dua, on implémente, ou bien on applique les différentes catégories d'adoration et d'obéissance. Les obéissances de la parole, dans la parole, dans les actions et dans la croyance. Les trois sont réunis. Et le cheikh, il donne des exemples de ça, comme par exemple, lorsque par exemple tu glorifies Allah subhanahu wa ta'ala et tu mentionnes les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de perfection, tu fais l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui demandes, tout ça c'est dans tes paroles, donc c'est une adoration dans tes paroles. Le dua également dans le sens de yani, la position que tu prends et l'endroit où tu te places pour faire ton dua, eh bien ça fait partie des actions. Et également le dua dans le sens que tu te concentres dans ton intention et tu te tournes, tu te diriges vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu diriges cette invocation-là à Allah subhanahu wa ta'ala et tu fais cette invocation-là avec conviction, avec une conviction et avec une croyance. Donc ça c'est l'aqida, ça c'est la croyance. Donc on voit que les trois niveaux d'adoration sont réunis dans le dua. L'adoration par la parole, l'adoration par les actions et par la croyance. Ensuite le cheikh il dit ودعاء الله سبحانه وتعالى على نوعين عند العلماء وهما النوع الأول دعاء التمجيد والتعظيم والثناء ومنه قوله صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي وفي رواية أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فسماه دعاء وليس فيه مسألة ولا طلب. Donc le cheikh il explique que les dua, quand on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont de deux catégories. Lorsque les ulama catégorisent les invocations, ils catégorisent les invocations en deux sortes, ou en deux catégories. La première catégorie, c'est l'invocation dans le sens que tu glorifies Allah subhanahu wa ta'ala, tu exaltes Allah subhanahu wa ta'ala et tu mentionnes les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première catégorie et il mentionne à ce sujet-là un dua qui est rapporté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est mentionné dans Al-Muwatta de l'imam Malik et il dit sa signification est rapportée par Sheikh Al-Albani dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, le hadith 1503. Donc il dit dans ce dua où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la meilleure parole que j'ai dit moi-même ainsi que les prophètes. Et dans une autre narration, le meilleur des du'as, c'est le du'as du jour de Arafah. C'est-à-dire de dire « La ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah, lui seul, et il n'a aucun associé. C'est à lui qu'appartient le royaume, et c'est à lui qu'appartient toute la louange, c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, et il a sur toute chose le pouvoir absolu. » Donc ça c'est le du'as de Arafat et il a dit que c'est un dua malgré que dedans il n'y a aucune demande. Il n'y a aucune demande. On ne demande rien à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette parole-là, sauf que c'est pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et exalter Allah subhanahu wa ta'ala et mentionner ses éloges et ses noms. Donc ça c'est la première catégorie. Wa minhu dua al-souq. Il donne l'exemple également d'un autre dua qui est le dua lorsqu'on entre au marché. الشيخ يزي وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. Donc, كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. ومنه دعاء. Donc, ça c'est ce hadith qui est le dua du souk quand tu rentres dans le souk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui rentre au souk et qui dit rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, lui seul, il n'a pas de partenaire et c'est à lui qu'appartient le royaume, à lui appartient la louange, il fait vivre et il fait mourir, il fait wa huwa hayyun la yamut, et il est vivant et il ne meurt pas, c'est entre ses mains, il détient le bien entre sa main ou dans sa main, et il a pouvoir sur toutes choses. Celui qui dit ça, Allah subhanahu wa ta'ala va lui écrire yani alf alf, si je ne me trompe pas, c'est yani, je sais pas si c'est, attends, 1 million, et na'am, 1 million de hasana, et on lui efface 1000 péchés, 1 million pardon de péchés, et on l'élève d'un million de degrés. À propos de ce hadith, le cheikh il dit akhrajahu Ahmad fil Musnad, il est rapporté par l'imam Ahmad dans la Musnad par At-Tirmidhi, et il est rapporté également par Ibn Majah et par Ad-Darimi. Et il dit wal hadith qala At-Tirmidhi fi aqibihi hadha hadith gharib wa qad rawahu Amr ibn Dinar وهو قهرمان آل الزبير عن سالم ابن عبد الله وهذا الحديث نحوه وضعف إسناده جدا محقق المسند وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. Donc Cheikh Al-Albani l'a déclaré Hassan dans Sunan Ibn Majah. Sinon, certains ont déclaré, ou ceux qui ont fait le tahqiq de la musnad, ils ont déclaré que cette isnad, elle était da'if dans l'isnad de l'imam Ahmad. Toutefois, Cheikh Al-Albani, il l'a déclaré sahih dans sahih, il l'a déclaré hassan dans sahih Ibn Majah. Na'am. Donc, on voit que dans cette invocation-là, il n'y a pas de demande. Donc ça, c'est dua. التمجيد والثناء كما mentionné, c'est la première catégorie. ومنه دعوة ذي النون. دعوة ذي النون, ذي النون c'est Jonas, c'est Jonas, Yunus عليه السلام. Il disait لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت, rien ne mérite d'être adoré excepté toi. Louange à toi ou gloire à toi, que tu sois purifié. Et j'ai certes été du nombre des injustes. Ça, c'est le dua de Zunnun. Et il n'y a pas de demande dedans. Hein? Encore une fois. Donc le cheikh il dit هذا كله يسمى دعاء لأنه من النوع الأول التعظيم والثناء والتمجيد له سبحانه وتعالى. والنوع الثاني دعاء من الدعاء وهو دعاء المسألة والطلب, أن تقول اللهم اغفر لي, اللهم ارحمني, اللهم أعطيني كذا, اللهم يسر لي كذا, اللهم أبعد عني كذا من السوء, اللهم قرب لي كذا من الخير, إلى آخره. هذا دعاء المسألة والطلب, والشائع عند العامة النوع الثاني, ولا يعرفون أن النوع الأول دعاء. Le cheikh il dit qu'il y a une deuxième catégorie de dua, c'est la dua de la demande, de la requête, hein, que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça signifie que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple tu dis oh Allah, pardonne-moi, oh Allah, fais-moi miséricorde, oh Allah, donne-moi, oh Allah, facilite-moi telle chose, oh Allah, éloigne de moi tel mal, oh Allah, rapproche-moi de tel bien, ainsi de suite. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle le dua ou l'invocation dans de la demande, et ça c'est ce qui est connu chez les gens en général, c'est cette sorte de dua qu'ils connaissent. Ils savent pas parfois que la première catégorie qu'on a mentionnée, ça fait partie également du dua, hein, la première catégorie qu'on a mentionnée tout à l'heure. Le cheikh dit fa'idatun wa tanbih. كلمة آمين التي من السنة قولها آخر الدعاء لها معنيان، المعنى الأول يا الله، والمعنى الثاني اللهم استجب. فإذا قال الإمام في قنوت الوتر أو في قنوت النازلة دعاء وهو من باب التمجيد والتعظيم والثناء تقول آمين ويكون معناها يا الله. وإذا قال الإمام في دعاء القنوت أو الوتر اللهم أعطنا اللهم هب لنا يعني مسألة وطلب تقول آمين ويكون معناها اللهم استجب. ومنه تعلم أن ما ابتدعه بعض الناس أثناء دعاء الإمام من قولهم في مواضع الثناء والتمجيد سبحانك لا أصل له، فإنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم إذ كانوا يؤمنون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وأنهم لا يقولون خلف الدعاء إلا كلمة آمين، لأن آمين معناها يا الله إذا كان الدعاء تمجيد وتعظيم، ومعناها اللهم استجب إذا كان الدعاء مسألة وطلب. ولكن الناس إذا جاء في الدعاء يا أرحم الراحمين قالوا بدلا من آمين سبحانك، وهذا لم يرد في هذا الموضع والله أعلم. Donc le cheikh il mentionne un point ici et une notice يعني pour mentionner un point qui est relié à la question des dua. Lorsque on dit amin dans la sunna après un dua يعني c'est la sunna de dire amin, hein. Et le cheikh explique que Amin, il a deux significations. Et souvent les gens, ils connaissent uniquement une de ces deux significations-là. La première signification, c'est celle qu'ils ne connaissent pas souvent, c'est que Amin, ça veut dire Ya Allah. Ça veut dire Oh Allah. Et la deuxième signification, c'est, ça signifie, Amin, ça signifie Oh Allah, exauce, hein, ou répond à notre invocation. Donc lorsque on prie derrière l'imam et qu'il fait le qunut ou bien qu'il fait dua nazila, hein, des choses comme ça, qunut nazila, ou bien des fois même dans le tarawih à la fin de l'imam il fait des dua parfois, et des fois lorsque l'imam fait des invocations en glorifiant Allah subhanahu wa ta'ala, les gens disent, au lieu de dire Amin, ils disent Subhanak, hein? Comme par exemple quand l'imam va dire Ya Arham Ar-Rahimin, les gens au lieu de dire Amin, ils vont dire Subhanak. Et le cheikh, c'est ça ce qu'il explique. Mais il dit que qu'est-ce qui est correct, c'est de dire Amin même quand c'est des glorifications d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le cheikh il dit, quand tu dis Amin après une glorification d'Allah, ça veut dire Ya Allah. D'accord? Donc, le cheikh, il dit, quand l'imam dit, parce que c'est ce que il explique, il dit, lorsque l'imam dit dans un dua, il dit, Oh Allah, donne-nous, Oh Allah, donne-nous telle ou telle chose, ça c'est un dua de mas'ala, tu dis Amin, dans ce cas-là, ça veut dire, Oh Allah, exauce-nous, ou réponds à notre demande. Si c'est une glorification d'Allah, ça veut dire Oh Allah, yani Amin, ça veut dire Oh Allah. Donc, maintenant tu peux comprendre que lorsque les gens disent Subhanak pour les invocations, c'est quelque chose que les gens ont innové. C'est une forme d'innovation, c'est une forme de bid'ah. Le cheikh, il dit qu'il n'y a aucune origine, aucun fondement à ça, aucune source à ça. Et ça n'a été rapporté d'aucun d'entre les sahaba, hein, de dire Subhanak au lieu de dire Amin. Et le cheikh il dit, lorsque les sahaba priaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le dua, la seule chose qu'il faisait, que les sahaba disaient, c'est Amin. Il ne disait pas Subhanak. Personne disait d'autre chose que Amin. Donc il dit pourquoi, parce que la signification de Amin dans ce sens, dans ce cas-là, ça veut dire Ya Allah, Oh Allah. Donc c'est pour ça que si Allah, si l'imam dit Ya Arhamar Rahimin, il ne faut pas remplacer Amin par autre chose que par autre chose comme Subhanak par exemple, parce que ce n'est pas rapporté dans la Sunna de dire autre chose. Donc ça c'est à ce sujet-là, c'est une petite note que le cheikh voulait clarifier à ce point-là. Donc si vous voulez on peut s'arrêter maintenant, inshallah, jusqu'à la prière, puis on reprend après le maghrib, inshallah, entre maghrib et l'isha. طيب إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا